Wish City, le soir, près d'une gare de chariots. C'est ça, votre chariot? Mais quoi? Cette chose qui tient avec deux boulons? Elle se rend pas compte de ce qu'elle dit, elle. Écoute, on n'a pas le temps de critiquer quoi que ce soit, là. Tu peux toujours ne pas venir. Oh, non. Je veux bien monter dans cette merde, mais c'est juste... Juste pour sauver Wish City. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. Booze? Je prends mon chariot. On se retrouve à l'endroit prévu. Nous sommes montés dans mon chariot, Mila et moi, tandis que Booze s'éloignait vers le sien. Wish City, le palais, durant le concert de Maniki Maniki, au même moment. Comme c'est beau! Comme c'est beau! Oui, grand dirigeant! N'est-ce pas, Rosencraft, que c'est beau? Oui, ça l'est, ça l'est. Vous avez l'air soucieux. Vous n'aimez pas? Si. C'est juste... juste votre fille qui m'inquiète. J'ai peur qu'elle... Je crois qu'elle... Enfin, elle fait peut-être une grosse bêtise. Mais non, elle fait juste pipi. Et puis, que pourrait-elle faire ce soir à part assister au grand concert de Maniki Maniki? Il ne se passe rien d'autre dans les galeries. Alerte! Alerte! Donnez l'alerte! Ici la galerie 79 CK! Centre de contrôle! Donnez l'alerte, foutre terre! Les rats! Ils attaquent! Ils attaquent! Non, je vous en prie! Tirez! Tirez! Mais les balles ne les arrêtent pas! Non! Artis! Artis! C'est génial! Non, je me trompe, moi! Oh non! Plutôt, j'éclate les gnomes! Maintenant, nous pouvons nous lever sur nos pattes arrière. Comme les hommes, nous marcherons sur deux pattes. Nous marcherons sur Wish City. Ouais! Trop cool! Allez, les rats! Finissez cette galerie pour rejoindre les autres! Et hop! Direction Wish City! Galerie 89 U, à 10 minutes en chariot de Wish City. Ralenti. Oui, c'est bon, oh, je... Oh non! Trop tard. Nous arrivions trop tard pour cette galerie. Les rats étaient déjà passés par là. Ici et là, des chariots retournés, des baraquements éventrés, des baef wish jonchant le sol comme autant de pierres inertes. Les corps. Des odeurs. J'ai envie de vomir. Eh bien, retiens-toi, parce que mon chariot a beau être ouvert, ça a tendance à s'incruster. Et puis on risque d'en voir d'autres, des comme ça. Comment tu peux dire ça? Ce sont des baef wish, oui, tout comme nous, mais on n'a pas le temps de s'attendrir. Si on se met à chialer dès maintenant, on n'y arrivera pas. C'est pas avec le rimmel qui coule que tu pourras combattre les rats, d'accord? Ouais. D'accord, Mila? Oui, d'accord. Pour une fois que je fais preuve de compassion, on me le reproche. Booze, tu me reçois? Yes, pas 3 sur 3, Squeak. Je n'avais pas besoin de décrire à Booze ce qu'on avait devant nous. Non, il le verrait bien un moment ou un autre. On part dans la galerie 88. D'après le récepteur de l'armée. La galerie 45 est attaquée maintenant. Ok, tu veux. On se retrouve comme convenu à l'endroit convenu. Booze, rassure-moi. Tu te souviens de l'endroit convenu, n'est-ce pas? Oui. Et c'est où? À l'endroit convenu. Ok, d'accord, j'insiste pas, ça va, j'ai pigé. J'ai éteint mon émetteur. J'ai posé ma main droite sur le levier de commande du chariot. Elle tremblait. Squeak. Oui. Je suis mort de trouille. J'ai fermé les yeux. Et malgré cela, j'avais toujours l'impression d'avoir l'œil rouge fixé sur moi. L'œil du borgne. L'œil de Ratis. Wish City, le centre de surveillance militaire. Les galeries 75 et 79 ne répondent plus, grand général. Tout l'Ouest est... Toutes les galeries ouest sont... Eh bien, allez-y, foutre terre! Finissez là votre phrase, bordel de couille à queue! Vous venez de jurer, grand général. Oui, c'est vulgaire. Eh bien, je jure si je veux, soldat! Tout l'ouest est silencieux, n'est-ce pas? Oui, grand général. Peut-on estimer les pertes? Sachant que la moitié de l'armée a été envoyée sur les frontières, c'est la moitié de l'armée qui ne répond plus. Bon, très bien. Il est temps de prévenir le grand dirigeant, grand général.